Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini. CanadianTire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. Le repêchage de la Ligue de hockey Junior Major du Québec aura lieu le 2 juin à Shawinigan et les Saguenayens de Chicoutimi vont détenir le premier choix repêchage, une première depuis 1979. Et on va parler avec celui qui risque d'être le premier choix repêchage, Hendrix Lapierre. Bon après-midi, Hendrix. Salut. Hendrix, si on parlait un peu, t'es classé numéro un par la centrale de recrutement. Ça a été une belle année pour toi. Oui, ça a été une très, très belle année, une année vraiment structureuse. Je pense que j'ai eu la chance d'évoluer dans une très bonne organisation avec des bons coachs, des bons joueurs. Puis ça m'a énormément aidé, là, pour être honnête. Je m'attendais vraiment pas à ça au début de l'année. T'sais, mon objectif, c'était de me tailler un poste. Okay. Puis là, il est arrivé ce qui est arrivé, donc c'est vraiment le fun. OK. Tu te qualifies d'un style de joueur. Est-ce que tu es un marqueur, tu es un fabricant de jeu? C'est quoi ton style à peu près, là? Je suis beaucoup plus un fabricant de jeu qu'un marqueur. Je pense que j'ai une bonne habileté niveau passe. Je suis capable de faire des bonnes passes, trouver mes coéquipiers. Mon lancer, c'est une des affaires sur lesquelles je veux travailler cet été. Donc, je suis beaucoup plus un fabricant de jeu qu'un marqueur, je pense. OK. Sur la grande glace olympique du St. George Vézina, comment tu verrais ça? Je pense que ça serait un avantage pour moi si je vais là-bas parce que je pense que je suis un patineur assez fluide, un bon patineur, donc je pense que ça m'aiderait de bénéficier d'une glace comme ça avec autant d'espace. Je pense que je pourrais créer plus de jeux puis justement manœuvrer un peu plus à ma guise sur la glace. Puis je pense que ça serait un avantage pour moi. OK, OK. Pour les et je disais dans le quotidien que toi, être repêché par les Saguenay, il n'y a aucun problème. Là. Puis t'as même de la parenté, je pense, qui vient d'ici, hein? Ouais, exactement. Dans le fond, mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, mon père sont tous nés là-bas. Dans le fond, toute ma famille, sauf ma mère, sont nés là-bas. Puis ils résident tous encore, sauf mon père qui a déménagé ici. Okay. Donc, c'est sûr que d'avoir mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, mes cousins, peu importe là-bas, ce serait vraiment le fun. Puis d'avoir leur support, ce serait quelque chose que j'aimerais vraiment. As-tu parlé avec les Saguenayens? T'es-tu entretenu avec les Sags, avec Yannick Jean? J'ai eu une rencontre avec eux, dans le fond, pendant la Coupe Dutch, à peu près, là. OK. Ça a très, très bien été. Écoute, on est allé manger à un restaurant, puis ça a super bien été. La conversation a bien été. Ils m'ont parlé de leur organisation, puis ça a l'air d'en être toute qu'une. Donc, je serais vraiment fier de me joindre au Saguenay. OK. Quel genre de question qu'on te pose lors de cette entrevue-là? Sais-tu, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire une carrière? Ça parle-tu de hockey ou ça parle aussi de... On veut te connaître comme homme? Je crois que c'est un mélange des deux, pour être honnête. C'est sûr qu'ils veulent apprendre à connaître la personne, à connaître je suis qui en vie. Si je réussis bien à l'école, par exemple, ouais. Ils veulent aussi apprendre c'est qui ma famille, si je serais intéressé de venir au Saguenay, peu importe, des affaires comme ça, mon style de joueur, okay. Quel genre de personne je suis dans la vie. Donc, toutes ces affaires-là, je pense que c'est un mix de plusieurs choses. OK. Si les gens qui avec quel joueur dans la Ligue nationale que t'aimes te comparer? J'aime vraiment ça me comparer à un gars comme Evgeny Kuznetsov des Capitals de Washington. Okay. Je pense que c'est un patineur fluide, un plus un fabricant de jeu qu'un marqueur, puis capable de créer des jeux pour ses coéquipiers, des bonnes mains. Donc, j'aime vraiment ça me comparer à lui. Là. OK. Hendrix, on va te souhaiter la meilleure des chances, évidemment. On va suivre ça. C'est une première depuis 1979. En plus de ça, si tu deviens le premier choix des Saguenayens. C'est quasiment un choix historique. Là. Ouais, ce serait vraiment un honneur, comme j'ai dit tantôt. Tu sais, Saguenay, ça a l'air d'être une très bonne organisation. Donc, j'ai vraiment hâte à ce jour-là voir qu'est-ce qui va se passer. Là. Hendrix, on va surveiller ça de près, puis on va peut-être s'en parler après le repêchage si tu es choisi par les Saguenayens. OK, parfait, merci. L'attaquant Hendrix Lapierre, qui risque d'être le premier choix par les Saguenayens du Chicoutimi le 2 juin prochain.